espoir peut renaître, nos rêves peuvent lever désormais. Zazie avec Let It Shine sur France Bleu. France Bleu. Pour la 5e édition, les goûters et dîners du patrimoine reviennent et deviennent les estivales du patrimoine. De juin à août, les propriétaires de châteaux, abbayes ou manoirs vous ouvriront leurs portes et vous feront découvrir différents spectacles. Un moment hors du temps, à la découverte des richesses patrimoniales du territoire Gâtine-Racan. Plus d'infos sur gâtine-racan.fr. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. Quelques idées de sortie pour vous en région Centre-Val de Loire. Alors, je vous propose la Nuit des Étoiles au Pôle des Étoiles à Nancy, à côté de Vierzon dans le Cher. Donc, la Nuit des Étoiles a lieu partout en France, du 11 au 13 août. C'est le moment d'ailleurs le plus propice pour observer le ciel et la pluie d'étoiles filantes. Et à Nancy, ce sera le samedi 12 août où toute la ville va fêter l'astre brillant avec un programme assez chargé puisqu'il y aura des sculptures sur ballon, des jeux, des spectacles interactifs, des ateliers cartes du ciel pour les enfants à partir de 18h et puis une conférence et des concerts pour les parents à partir de 20h30. Tout le programme de la Nuit des Étoiles au Pôle des Étoiles à Nancy, c'est ce samedi 12 août sur le site internet pôledesétoiles.fr. Et puis demain, jeudi 10 août, c'est la dernière édition de la saison des soirées à la torche du château de Main-sur-Loire dans le Loiret. Et c'est à partir de 20h30 sur Loire dans le Loiret, le château de Main-sur-Loire ouvrira ses grilles en soirée pour vous permettre de profiter évidemment d'abord du magnifique parc du château pour un petit pique-nique, pourquoi pas en famille. Et puis après, vous allez pouvoir déambuler à partir de 21h30 muni de votre lampe torche pour seul éclairage. Vous partez explorer le cœur du château. Il faut obligatoirement réserver sur le site du château de Main-sur-Loire. Et puis les nuits solaires aussi à Montrésor en Touraine, à côté de Loches. C'est un parcours lumière sonorisé sur les rives de l'Indrois avec projection d'images sur les façades du château. Et puis à Montrésor qui possède d'ailleurs le label du plus beau village, des plus beaux villages de France. Donc chaque été, en fait, les habitants aiment bien tout simplement éclairer leur jardin, leur maison avec les moyens du bord. Tout ça, ça leur permet de rivaliser d'imagination. Et puis ils vous invitent à flâner ensuite le soir le long des balcons de l'Indrois pour découvrir Montrésor sous un autre jour, ou plutôt sous une autre nuit. Accès libre et gratuit tous les soirs de juillet et d'août, donc jusqu'à la fin du mois, de 22h à minuit. Pas de réservation nécessaire. On retrouve la chanteuse belge Céla Sou avec son dernier titre qui sera derrière quelques temps. Non, elle viendra tout à l'heure parce que Céla Sou, elle est prévue, elle, pour être justement dans l'Indre puisqu'elle sera au concert le 15 août pour le festival d'Arc. Mais nous, on va plutôt partir faire la samba avec le groupe allemand Bellini. C'est Samba de Janeiro sur France Bleu. Samba. We'll be right back. Ça nous donne de l'énergie un peu de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec Bellini, Samba de Janeiro tout de suite sur France Bleu. Alors d'ici, allez, moins de 8 minutes, je vous propose de retrouver votre journal régional avec votre journal de 18h. Mais avant, on retrouve le groupe britannique Alan Parsons Project avec ce titre Eye in the Sky tout de suite sur France Bleu. Instead, you've taken Innocence Project, c'était Eye in the Sky sur France Bleu. Christophe Maé adore voyager et aime surtout partager l'affiche avec des artistes internationaux. C'est le cas de Amadou et Mariam avec L'Amour sur France Bleu. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien autour. Ça fait changer les gens, l'amour. Ça fait parler, ça fait le vide autour. Qui a été un vrai succès, c'était Christophe Maé, Amadou et Mariam. Pour le titre, ben, en chanteur, c'est L'Amour sur France Bleu. France Bleu. La Scénoferie de Semblançay revient pour une nouvelle saison rallumer les étoiles pour le plaisir de tous. Du 8 juillet au 19 août prochain, venez profiter de ce merveilleux spectacle son et lumière. Laissez-vous porter par la légende de la source qui retrace l'histoire de la Touraine de l'époque gallo-romaine à la Révolution française. Le département de l'Indre et le Festival d'Arc vous invitent à 8 concerts gratuits près de chez vous. Un programme éclectique à retrouver du 9 au 16 août dans 8 communes indriennes. D'Arc au pays avec le département de l'Indre. C'est le bordel, c'est la vie. Et demain soir, jeudi 10 à 18h30 à Valfouzon avec une touche d'optimisme. La vie est si belle. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu. Merci de passer votre après-midi avec nous. Nous sommes le mercredi 9 août et il est 18h. Tout de suite, les infos avec Lydie Lahaye. Bonsoir. Dans le Loiret, un accident de la route a fait un mort cet après-midi sur la RD 2007 entre Briard et Bonny-sur-Loire. Une collision entre un poids lourd et une voiture qui s'est produite devant l'entreprise de traitement des déchets Richebourg. Le camion qui transportait des céréales a percuté le véhicule. L'automobiliste a été tué et une autre personne blessée. La circulation a été coupée dans les deux sens pour permettre aux secours d'intervenir. Une déviation a été mise en place. En Alsace, le bilan est confirmé. Un incendie a ravagé tôt ce matin un gîte à Winzenheim, près de Colmar. Il y a 11 morts. Des personnes handicapées qui séjournaient dans ce centre avec leur accompagnateur. Leur identification est toujours en cours. Le bâtiment a été en partie détruit par les flammes. Les résidents qui étaient au rez-de-chaussée ont réussi à échapper à ce sinistre. Il y a donc 17 rescapés, mais bel et bien 11 victimes. Bilan très lourd, a reconnu sur place tout à l'heure la première ministre Elisabeth Borne. C'est évidemment un drame épouvantable et je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C'est un drame qui nous touche tous au cœur de l'été, ici en Alsace, où les élus se sont immédiatement mobilisés, mais également partout en France. Donc il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière. Et bien naturellement, nous allons nous assurer d'un bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et des familles des victimes également. Elisabeth Borne qui rencontre donc après cette entretenue avec les secours et les élus, les familles de victimes, la procureure de la République de Colmar a donné quelques précisions. Elle parle d'un feu qui couvait bien avant que les flammes ne soient visibles vers 6h30 ce matin. Nous reviendrons sur cet incendie dans le prochain journal de 19h. La sécheresse est peut-être moins visible dans le Loiret cet été par rapport à l'an passé, mais nous sommes bel et bien parmi les 89 départements déclarés en crise. Le bassin de la Loire en amont de Gien est passé en vigilance crise. On l'évoquait ce matin, ça concerne une dizaine de communes. Du coup, les contrôles s'accentuent pour faire respecter notamment les arrêtés qui interdisent d'arroser les jardins et les pelouses. Ce sont les agents de l'Office français de la biodiversité qui s'en chargent. D'une manière générale, ils surveillent toutes les atteintes à l'environnement qui, durant l'été, ne manquent pas, reconnaît Jean-Noël Rieffel, le directeur de cet office en Centre-Val de Loire. On a énormément de sollicitations, il est vrai, donc il faut qu'on priorise, ça c'est clair, hein, la délinquance environnementale elle est très large, hein, on parlait des déchets, on parle du braconnage, on peut parler de la destruction d'espèces protégées, des activités récréatives, les quads ou les motocross qui circulent en forêt ou sur les bords de Loire et qui détruisent les milieux naturels, la flore, la faune, etc. Le contrôle de la police de l'eau, les pollutions, vous voyez, c'est très très vaste. Dans notre région, on est en tension sur l'eau, très clairement. C'est pas le cas de toutes les régions, mais dans notre région, c'est le cas, donc on va être vigilant là-dessus. Les arrêtés vont être adaptés à la situation hydrique, donc c'est du coût humain, si vous voulez, au fil de l'eau. Et nous, notre rôle derrière, c'est d'aller informer les citoyens aussi sur que l'eau, c'est un bien commun, qu'on est tous responsables de l'utilisation de l'eau. Ces arrêtés, ils s'appliquent à tout le monde. Donc, quelqu'un qui contrevient au respect d'un arrêté de l'eau, c'est-à-dire qui utilise de l'eau alors qu'il n'a pas le droit, c'est une infraction au code de l'environnement. Que ce soit un particulier, que ce soit une collectivité territoriale, un agriculteur ou autre. Voilà, il y a 115 agents, l'Office français de la biodiversité dans notre région Centre-Val-de-Loire. Il n'y a plus que quelques heures pour déclarer au fisc vos biens immobiliers. Si vous êtes propriétaire, la date avait été reportée par l'administration fiscale au 10 août, c'est demain. Les déclarations sont à remplir sur le site impots.gouv.fr. Un nouveau naufrage de migrants en mer Méditerranée, 41 personnes portées disparues. L'embarcation était partie de Sfax en Tunisie. 4 rescapés ont pu être secourus par un navire marchand et débarqués sur la petite île italienne de Lampedusa, entre la Tunisie et la Sicile. 1200 morts en mer Méditerranée depuis le début de l'année. C'est le bilan que dresse l'association SOS Méditerranée. C'était 1400 morts sur toute l'année 2022. En sport, un match des grands soirs ce soir à Orléans, à l'Arena de Comet, France-Lituanie en basket. Dernier match de préparation des Bleus sur le sol français, préparation à la Coupe du Monde qui va débuter le 25 août. Les tricolores qui rejoueront vendredi contre la Lituanie, leur adversaire donc ce soir, cette fois ce sera chez elles puisque le match aura lieu à Vilnius. Et puis la mort du chanteur et musicien américain Sixto Rodriguez alias Sugarman, il avait 81 ans. C'est le film Sugarman récompensé par l'Oscar du meilleur documentaire en 2013 qu'il avait fait connaître au grand public. Of these scenes for the blue coin. Oh. Votre météo en région Centre-Val de Loire. Alors vous l'avez vu cet après-midi sur l'ensemble de la région, c'est du beau temps à l'exception de quelques petits nuages qui passent par-ci par-là, mais rien de bien méchant. Les températures sont comprises entre 23 et 27 degrés. Elles ont un petit peu monté. On retrouve 23 degrés à Montargis, 24 à Orléans, 25 à Vendôme, Blois et Chinon, 26 à Bourges, Châteauroux et Tours, et la maximale de 27 à Saint-Amand-Montrond. Votre soirée sera sous un ciel dégagé, toujours avec un temps tout simplement idéal pour aller prendre un petit verre, pourquoi pas en terrasse. Et cette nuit, les températures seront comprises entre 14 et 18 degrés. Il faut s'attendre demain matin à des passages nuageux avec quelques averses, mais vous inquiétez pas, ils ne seront que temporaires puisque on annonce une très belle après-midi. Happy Hour, David Brunier sur France Bleu. Alors rendez-vous d'ici quelques minutes à la réserve zoologique de la Haute-Touche dans l'Indre, à la limite d'ailleurs de l'Indre-et-Loire. C'est 1400 animaux qui vous attendent sur 436 hectares. Alors c'est à ne pas rater. Et aussi évidemment votre série Radio Soul Music pour redécouvrir les standards de la musique soul américaine. Alors restez bien avec nous. Il nous a quitté il y a quelques mois, quelques semaines. C'est Coolio avec son grand succès. C'est A Gangsta Paradise, tout de suite sur France Bleu. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the night. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the street, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Coolio avec Gangsta's Paradise sur France Bleu. Elle avait une carrière en groupe et puis Santa a décidé de se lancer en solo. Eh ben, on l'écoute tout de suite avec ce titre Popcorn Salé. Et juste après, on reste ensemble évidemment pour vous donner quelques idées de sortie en région Centre-Val de Loire. Santa, Popcorn Salé sur France Bleu. France Bleu vous souhaite un bel été. Je pourrais jouer le faux héros au milieu des flammes. Repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez viens. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux. Remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos étouffer les flammes. Le chaos, tu seras ma femme. Et on se regardera dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez viens. Popcorn Salé avec Santa sur France Bleu, titre extrait d'ailleurs de la compile L'été France Bleu 2023. Tout l'été, nous allons partir à vélo sur les itinéraires cyclables en région centre à 17h20. Nous allons faire de belles rencontres et découvrir de belles cartes postales. Notre région regorge de trésors, nous allons les partager avec vous pendant tout l'été. Vous pourrez même gagner votre VTT pour partir à la conquête de la région centre d'un coup de pédale. Rendez-vous du lundi au vendredi à 17h20 sur France Bleu. Francis Cabrel passe l'été avec vous sur France Bleu. En tout cas, c'est très tendance, ça mieux. Le poète d'Astafor raconte les petites histoires de ses plus belles chansons. C'est joli ça. Francis Cabrel, sa vie en chanson. Une série à fredonner tout l'été sur France Bleu et sur francebleu.fr. Le petit effet est garanti. Quelques idées de sortie pour vous en région Centre-Val de Loire. Alors, week-end d'ouverture de l'Arboretum de la Martinière à Vaigné, au sud de Tours. Donc, c'est ce week-end, les 12 et 13 août, sur le site d'une ancienne carrière, autour de deux étangs et un coteau boisé en arrière-plan. L'Arboretum de la Martinière est un magnifique parc consacré aux arbres et aux arbustes. On retrouve d'ailleurs de nombreuses variétés de bambous, par exemple. On mélange d'écorces, de branchages colorés. Il y a des associations de fleurs, de baies, de feuillages. Et il y a même les installations artistiques de Michel Davot. La visite est peut-être commentée d'ailleurs, et c'est à un horaire précis puisque c'est à 15h et elle est à 5€, donc pour ce week-end d'ouverture de l'Arboretum de la Martinière, donc ce week-end 12 et 13 août. Et puis à Orléans, à partir de demain, jeudi 10 août et jusqu'au 15 août, c'est la nouvelle édition de la Fête des Duits, en pleine nature, au milieu et autour de la Loire. Vous allez pouvoir découvrir un espace culturel original qui est entièrement dévoué à la création moderne et contemporaine. Alors évidemment les arts plastiques, mais il y a aussi de la musique de création, du théâtre, de la danse, de la photographie, du cinéma. Et cette année, avec un thème bien particulier, c'est le thème du courage. Et l'accès se fait depuis le quai de Prague, donc à Orléans, à partir de demain, jeudi 10 août, jusqu'au 15 août. Et puis un lieu magnifique, aussi une démarche écologique et des rendez-vous artistiques. C'est ce que je vous propose à la plage de Montcocu, à Barèze, au sud de l'Indre. C'est en fait, le titre, c'est The Plage to Be. C'est un festival basse consommation qui a lieu du 12 au 14 août. Donc on propose notamment une séance ciné en plein air, La Belle Verte, un film de Colin Serrault. Donc c'est ce samedi 12 août à 22h. Et puis dimanche et lundi, sur la plage qui est réservée d'ailleurs aux festivaliers, balade musicale en famille à 10h, animation et atelier l'après-midi. Puis à partir de 18h, musique et plusieurs styles musicaux d'ailleurs, et un DJ set pour clôturer la fête le lundi 14 août à 23h. Le festival Montcocu The Plage to Be du 12 au 14 août à Barèze. Info et réservation auprès de l'association Hock and Oil, hockandoil.wix.com. Un grand succès de l'homme aux yeux de couleurs différentes. Alors il n'était pas Véron, non, c'est parce qu'en fait il avait reçu un coup sur l'un d'eux et du coup il n'avait plus de pupille qui s'était dilatée, donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il avait deux yeux différents, mais pas du tout, c'était suite à un petit accident. Allez, c'est un de ses grands succès, c'est Let's Dance de 1983 qu'on écoute tout de suite sur France Bleu. We'll be right back. David Bowie, un de ses grands succès, Let's Dance sur France Bleu. Restez bien avec nous, dans quelques minutes, on part en direction de la réserve zoologique de la Haute-Touche dans l'Indre, à la limite d'ailleurs de l'Indre-et-Loire, pour découvrir ces animaux et les espèces présentes sur ces 436 hectares. Donc restez bien là pour la découvrir. Mais avant, je vous propose de retrouver M. Pokora, qui a dédié la chanson « Parce que c'est toi » à sa femme. Bah oui, c'est une déclaration d'amour. On l'écoute tout de suite sur France Bleu. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qui me reste, la vie en vaut la peine. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas, non j'oublie jamais. Je peux pas douter, dès que je t'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdu, mais t'as su changer la donne. Partout où je vais, je sens ta présence, j'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Pokora, parce que c'est toi sur France Bleu. Alors moi je vous propose d'aller visiter notre région ensemble et aujourd'hui direction la réserve zoologique de la Haute-Touche dans l'Indre, à la limite d'ailleurs de l'Indre-et-Loire. Alors c'est plus de 1400 animaux et 130 espèces sur 436 hectares qui vous attendent. Un plongeon tout simplement dans leur univers que vous allez pouvoir vivre. Alors au programme wapiti, tigre de Sumatra, maki, kata ou encore des lynx des Carpates qui vous attendent. Et entre juillet et août, vous pouvez évidemment y aller tous les jours entre 9h et 19h. Et pour nous en parler, le directeur de la réserve est avec nous, c'est Anthony Siréfis. Bonjour Anthony. Bonjour. Bonjour, alors oui, je le disais, on est sur une réserve zoologique à la Haute-Touche. Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est la réserve zoologique de la Haute-Touche, mais il n'y a pas réellement de différence entre un parc zoologique, un zoo, une réserve zoologique, un bioparc. Tout ça, c'est un petit peu la même chose. On a la même réglementation, on a les mêmes missions, hein, donc la conservation, l'éducation, la recherche, bien sûr le bien-être animal qui est notre première préoccupation, hein, donc on travaille ensemble, mais tout ça c'est un petit peu la même chose. Après, ce qui caractérise la Haute-Touche, c'est ces grands espaces. On propose aux visiteurs une expérience de visite très nature. Il faut prévoir la journée puisque le parc est très grand. On peut le découvrir en, il y a une partie en voiture, une partie à pied, mais on peut aussi visiter à vélo, en voiturette électrique, puisque on a des locations possibles. Ah, super. D'ailleurs, quel type d'animaux on peut trouver à la Haute-Touche? Alors, on trouve beaucoup d'animaux, vous l'avez dit tout à l'heure. Peut-être les plus emblématiques sont les loups, les tigres, les guépards, les hyènes. On a des primates, on a beaucoup d'oiseaux, des antilopes, une grande collection de cervidés également. Mm-hmm. Donc, il y en a pour tout le monde, donc de tous les continents. Et d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, il y a un programme de conservation qui a été mis en place parce que c'est une de vos missions. Vous avez des axes particuliers ou prioritaires, vous ? Donc effectivement, on travaille sur plusieurs programmes de conservation. On soutient des programmes in situ à travers le monde. Et ici, à la Haute Touche, on a des élevages conservatoires. Donc ça concerne deux espèces, l'outarde de canepetière, qui est un oiseau qu'on trouve en plaine, et la tortue cistude, deux espèces extrêmement menacées dans leur milieu naturel. Et donc on a de la reproduction sur site, et on fait grandir des jeunes en élevage, en nurserie, et on alimente des programmes de réintroduction avec des relâchés dans la nature. Ce sera le cas en septembre pour les jeunes outardes qui sont nés cette année. Donc ça, c'est une action de conservation, il y en a d'autres. Mais voilà, on travaille particulièrement sur ces espèces. Et puis alors, pour ceux qui voudraient peut-être devenir soigneurs d'un jour, c'est possible chez vous, non ? Alors oui, on propose des différentes animations sur site pour nos visiteurs, des nourrissages commentés par exemple tous les jours, et aussi des activités un peu plus visite privilège, soigneurs d'un jour, donc tout ça sur réservation. Pour les soigneurs d'un jour, ça permet de découvrir le métier côté coulisses et d'approcher aussi les animaux de manière privilégiée, c'est un peu VIP, mais c'est sur réservation. D'accord, donc il faut aller sur le site internet évidemment de la zoo de la Haute Touche, tout attaché, .fr. Alors je rappelle, hein, pendant la période estivale, donc jusqu'à fin août, vous êtes ouvert tous les jours de 9h à 19h, c'est 14€ l'entrée pour les adultes, 11€ pour les tarifs réduits. Il existe des passes famille d'ailleurs aussi pour ceux qui veulent venir avec deux adultes, deux enfants, qui sont à 44€ pour pouvoir profiter toute la journée, hein, parce que vraiment vous le disiez, on profite toute la journée sur la réserve. Oui, nous on recommande d'arriver effectivement le matin, de prendre le temps. On peut se restaurer sur place ou venir avec son pique-nique et après prendre le temps de découvrir les animaux, d'assister aux animations, éventuellement de lire quelques panneaux, parce que c'est vraiment une journée de loisirs, mais c'est aussi surtout une promenade éducative dans le sens de la conservation. On en a parlé tout à l'heure, il faut éduquer nos visiteurs à la préservation de l'environnement. Et donc, voilà, c'est ce qu'on vous propose pour cette visite. Eh bien, écoutez, merci en tous les cas. N'hésitez pas à aller découvrir donc la réserve de la Haute Touche, donc qui se situe dans l'Indre, mais vraiment à la limite de l'Indre-et-Loire. Donc, 1400 animaux, 130 espèces et sur un grand espace, puisque c'est 436 hectares. Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été avec nous. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, merci. Et ben vous aussi, si vous souhaitez aller visiter cette belle réserve, on vous propose de gagner un pass famille justement pour donc deux adultes et deux enfants pour profiter de cette belle réserve. Mais pour cela, il faudra répondre à une question. Donc j'espère que vous avez été très attentifs puisqu'on va parler de chiffres, figurez-vous. Il faut répondre donc à cette question. Il y a 130 espèces d'animaux, mais ça représente combien d'animaux au total ? Est-ce que c'est environ 1400 ou c'est 350 ? Décrochez votre téléphone et composez le numéro gratuit 0805 20 12 20 pour pouvoir évidemment répondre à cette question et repartir avec un pass famille pour deux adultes et deux enfants pour aller visiter la réserve zoologique de la Haute Touche. Je rappelle encore une fois la question. Donc il y a donc 130 espèces d'animaux, mais ça représente combien d'animaux au total ? Est-ce que c'est 1400 ou 350 ? Pour m'appeler, c'est 0805 20 12 20. France Bleu. Le département de l'Indre et le Festival d'Arc vous invitent à 8 concerts gratuits près de chez vous. Un programme éclectique à retrouver du 9 au 16 août dans 8 communes indriennes. D'Arc au pays avec le département de l'Indre. Chez nous, c'est le bordel, c'est la vie. Et demain soir, jeudi 10 à 18h30 à Valfouzon avec une touche d'optimisme. La vie est si belle. Infirmière, c'est soigner les gens, mais aussi dans mon cas, prendre la route quotidiennement. Tous les jours, je sais que si je vois un véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, je ralentis, mets mon clignotant, m'assure qu'il n'y a aucune voiture pour me décaler le plus possible et ainsi laisser un corridor de sécurité. Véhicule à l'arrêt, je change de voie et sauve des vies. La Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest vous remercie de respecter les règles de sécurité et vous souhaite bonne route. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. Chez vous. France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le groupe Coldplay enchaîne les succès à ce pop rock, groupe pop rock britannique, et notamment avec ce titre qui les a fait connaître vraiment de façon, je dirais, mondiale. C'est Clocks, tout de suite sur France Bleu. Avec le titre Clocks sur France Bleu. Happy Hour, David Brunier sur France Bleu. Et moi, je vous ai proposé de jouer avec moi pour gagner un pass famille pour la réserve zoologique de la Haute Touche pour pouvoir admirer et découvrir notamment les 130 espèces sur place. Mais il fallait pour cela répondre à une question. Et c'est Thierry qui a été le plus rapide de Tours. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, vous nous appelez de Tours. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors dites-moi, vous êtes en vacances ce moment, vous travaillez, vous êtes en repos, qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, pour l'instant, je suis en vacances, ouais. D'accord. Et vous êtes resté à Tours ou vous avez décidé de bouger un petit peu? Alors, j'ai bougé un petit peu, je suis allé un petit peu en Bretagne, ouais. En Vendée, dans les Pyrénées. Ah oui. Voilà. Ah bah c'est pas mal. C'est un... Enfin, vous êtes allé quand même du, j'irais presque du nord au sud, mais on n'est pas loin. Enfin, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, c'est un beau trajet déjà. C'est ça. Un beau trajet. Bon. Et alors, est-ce que vous avez bien écouté ce que on a dit avec Anthony, qui était le directeur de la réserve zoologique, puisque on disait qu'il y avait 130 espèces et que ça représentait un certain nombre d'animaux. Et je vous ai demandé combien. Est-ce que d'après vous, c'est 1400 animaux ou 350 animaux? 1400 animaux. Et oui, c'est bien 1400 animaux. En effet, les deux places, enfin le pass famille est donc pour vous, pour pouvoir aller à la réserve zoologique de la Haute-Touche. Donc c'est un pass pour deux adultes et deux enfants. Vous avez une petite idée avec qui vous allez y aller ou pas encore? Oui, avec ma compagne et ma fille. Parce que, et puis peut-être une copine de ma fille justement. Ah bah, parce qu'en plus, je ne connais pas du tout ce parc animalier. Ah. Ça faisait partie de mes projets. Donc voilà, ça tombe très bien. Bon, en tous les cas, c'est un beau cadeau que vous allez pouvoir offrir à toute la famille. Et puis, en plus, s'il y a une copine de votre fille, elle va être encore plus contente, je pense, pour pouvoir, pouvoir profiter de tous ces animaux comme on les a décrits juste avant. Et bien, en tous les cas, merci Thierry d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt sur France Bleu, bien sûr. Merci, avec plaisir. Au revoir. À bientôt, au revoir. Et bien, vous aussi, dès demain, on va continuer à visiter la région ensemble pour découvrir tout ce qui se passe ici, parce qu'il se passe plein de choses. Donc, restez bien avec nous et soyez surtout très attentifs. Sur France Bleu, l'Happy Hour commence dès 16h. Et cet été, sur France Bleu, on vous entraîne sur les routes des États-Unis à l'écoute de Radio Soul Music. Alors, un conseil, allumez l'autoradio et redécouvrez les standards de ce courant musical que l'on appelle aussi la musique de l'âme. Et aujourd'hui, Harry Holtzman, nous partons à la découverte d'un titre de Stevie Wonder, c'est Superstition sur France Bleu. Radio Soul Music. Ready to go? Okay. Oh, Stevie Wonder. Voilà une petite merveille devenue un grand, un très grand artiste. Passer sous une échelle, briser un miroir, les superstitions n'ont aucun sens. C'est ce que chante Stevie Wonder en 1972. Stevie Wonder croit en sa bonne étoile. Il a perdu la vue quelques jours seulement après sa naissance. « Je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de chance, » estime-t-il. « J'aurais pu en mourir. » Le petit Steveland est un enfant joyeux, attiré très jeune par la musique. Bébé, il dort avec des percussions offertes par son père. À 5 ans, il tape en rythme sur des casseroles avec des cuillères en bois. À 10, il maîtrise l'harmonica, le piano, la batterie et chante. Quand le petit génie passe une audition dans le studio de Motown, le patron du label est subjugué. Berry Gordy embauche le garçon pour 5 ans, lui donne un surnom merveilleux, Little Stevie Wonder, la petite merveille, et le fait tourner avec les artistes maison. Ça marche. Dès 1963, à 13 ans donc, Little Stevie décroche un premier grand succès avec Fingertips, un instrumental à l'harmonica. Quelle énergie! Puis sa voix mue. L'adjectif little n'a plus lieu d'être. Les succès s'enchaînent, mais sa marge de manœuvre reste limitée aux scènes d'une usine à tubes, si bien qu'une fois majeur, Stevie menace de partir chez un conquérant. Pari gagné. On lui accorde une totale liberté artistique. Le gros changement au début des années 70 se nomme synthétiseur. Des nuits entières, Stevie teste ses nouveaux jouets et, de cette frénésie créatrice, naissent des centaines de morceaux. Parmi eux, Superstition, paru en 1972. C'est un feu d'artifice, jeu de batterie flamboyant, balancement irrésistible des claviers, performance vocale d'une rare intensité. Pour la première fois en 10 ans, Stevie Wonder renoue avec les sommets de tous les classements américains. Et en France, reste 6 mois dans la hit parade de Salut les copains. Par la suite, l'ex-petite merveille connaîtra bien d'autres succès. Mais Superstition reste sa réalisation majeure. Celle d'un géant de la soul. Very superstitious. Writings on the wall. Very superstitious. you'd like Radio Soul Music, please find on écoute et podcast sur francebleu.fr. Merci beaucoup Harry et à demain pour un nouveau Radio Soul Music bien sûr. Alors un duo assez surprenant puisque c'est l'américain Benson Boone qui a décidé de faire un duo avec celle qui a été révélée par The Voice 5, c'est Philippine Lavray et c'est In The Stars sur France Bleu. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Quick Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Souvenir se change en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seule dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. And left the rest in pieces. Des millions de gens, mais je ne veux que toi. Même sur les photos, j'entends. Mais ce qu'il y a de pire, c'est ta main que j'aimerais tenir. Et je sais pourtant qu'elle ne reviendra pas. Oh, I'm still holding on to everything that's dead and gone. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Now you're in the stars, your 6 feet never felt so far. Souvenir se change en larmes sur ma peau. Oh, j'ai mal, j'ai peur de rester seul dans ce vide. Alors je laisse mourir mon cœur. And let the rest in peace. J'imagine encore ton rire s'envoler comme un écho. Benson Boone et Philippine Lavray avec In The Star, titre extrait d'ailleurs de la compile L'été France Bleu 2023. Ma France, sur France Bleu, même en été. Bonjour. Robin Bernot. Ce jeudi midi, Ma France, l'été, la grande tournée estivale des stations locales de France Bleu pose son sac à dos à Châteauroux. Depuis France Bleu Berry, on va redécouvrir ensemble les départements de l'Indre et du Cher. On évoquera entre autres le bicentenaire de la naissance de Maurice Sand. Rendez-vous dès midi en direct et toute la journée en podcast. Ma France, l'été, le tour de France des radios France Bleu, demain dès midi. La Scénophérie de Semblançay revient pour une nouvelle saison rallumer les étoiles pour le plaisir de tous. Du 8 juillet au 19 août prochain, venez profiter de ce merveilleux spectacle son et lumière. Laissez-vous porter par la légende de la source qui retrace l'histoire de la Touraine de l'époque gallo-romaine à la Révolution française. Comme le soleil a décidé de refaire son apparition quand même sur Centre-Val de Loire, j'ai quelques idées de sorties à vous proposer, notamment pour passer un bon moment en faisant une bonne action. C'est ce que vous propose Motocœur dans l'Indre. Depuis 25 ans, en fait, c'est un rassemblement de motos, donc Motocœur, qui vient en aide aux personnes handicapées grâce à un événement festif. Et cette année, ce sera les 12 et 13 août, donc ce week-end au Château d'Ars, à côté de la Châtre. Alors au programme samedi, vous avez un concert à partir de 19h30. Et puis dimanche matin, dès 8h, c'est une grande parade de 60 km avec toutes les motos rassemblées.

Stromae avec Papa Outé sur France Bleu. Restez bien avec nous dans moins de 8 minutes, votre journal de 19h sur France Bleu, suivi de l'émission Décibel avec Rémi Besançon qui vient parler de son film Un coup de maître. D'ailleurs, en parlant de film, moi je vous propose d'écouter celle qui a, bah, elle a tout compris, parce que Dua Lipa, en même temps, joue dans le film Barbie et elle fait la bande-annonce. C'est parfait, non? Comme ça, on l'écoute tout de suite avec Dance the Night sur France Bleu. Watch me. Dua Lipa avec Dance the Night sur France Bleu. Bonjour tout le monde, c'est Zaz. La playlist de Zaz, je prends le micro de France Bleu et vous emmène dans mon univers, dans ma playlist. On va passer une heure ensemble autour des chansons qui m'accompagnent tous les jours. Il y a des titres qui m'ont touchée, des titres qui me font vibrer, d'autres qui me rappellent des choses de mon enfance ou des choses qui m'inspirent le voyage. C'est un bout de ma vie en chanson, c'est ma playlist. La playlist de Zaz. Ah, c'est moi ? Ok, vas-y. Ce samedi à 13h, uniquement sur France Bleu. Bonjour, c'est Chloé Nabédian. Tout l'été sur France Bleu, je vous explique les mots de la météo. La canicule, les anticyclones, les vents, le Gulf Stream. Pour que vous compreniez mieux nos bulletins météo et qu'ensemble nous réussissions à nous adapter au changement climatique, je vous donne rendez-vous tous les jours de l'été sur notre antenne. Les mots de la météo, un programme France Bleu en collaboration avec Météo France. France Bleu craque pour C'est la Soul. When It All Falls Down, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. France Bleu. Et maintenant avec Antargaz, parlons énergie des territoires, gaz liquide et biopropane. Bonjour Louis-Marie, vous êtes éleveur de volailles dans les Deux-Sèvres et vous êtes client Antargaz qui propose du propane et du biopropane, un gaz liquide renouvelable. Quel usage en faites-vous ? Moi j'élève aujourd'hui des poulets, des pintades, des canards et des dindons qui arrivent dans mes 9 poulaillers. Ils sont juste éclos de l'œuf. Donc ces petits poussins, quand on les accueille, il leur faut du confort, il leur faut une très bonne température. Voilà pourquoi j'utilise du gaz propane dans mes bâtiments. Alors pourquoi vous avez choisi Antargaz comme fournisseur d'énergie ? Alors, mes poulaillers, ils sont sur 4 sites d'élevage qui n'ont pas de réseau gaz naturel qui passe à côté. Donc, j'ai toujours travaillé avec le gaz propane et je suis avec Antargaz pour la qualité de son transport parce qu'ils ont aussi un service de prise de commande très réactif, ce qui est très important pour notre élevage, surtout en période hivernale. Et pour finir, nous avons un commercial qui chapeaute tous ces services pour nous. Merci et à mercredi prochain pour parler énergie des territoires avec Antargaz. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu. Et votre météo en région Centre-Val de Loire. Alors ça y est, hein, la météo s'est nettement améliorée, du moins les pluies sont un peu parties. Et cet après-midi, vous avez profité d'un beau soleil, notamment sur l'ensemble du Centre-Val de Loire, avec des températures qui sont en hausse puisqu'elles ont monté entre 23 et 27 degrés. La maximale était pour Saint-Amand-Moron. C'est votre soirée, elle reste toujours très agréable aussi avec du soleil, donc pourquoi pas faire une petite balade en extérieur. Et cette nuit, les températures, elles seront comprises entre 14 et 18 degrés. Alors, la situation de demain, elle est un peu particulière parce qu'on attend de la pluie demain matin sur l'ensemble de la région Val-de-Loire avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Mais ce sera que temporaire puisque à partir de début d'après-midi, on devrait passer sur des températures et sur un ciel très dégagé avec du soleil. Les températures, elles seront en hausse très fortement d'ailleurs puisqu'on sera entre 27 et 31 degrés. On trouvera notamment jusqu'à 30 degrés sur Tours, Chinon, Châteauroux. On aura 27 degrés pour Orléans, 28 pour Blois ou pour encore Vendôme. Donc vous pourrez vraiment en profiter puisque ce sera une belle journée, une belle après-midi qui vous sera proposée en perspective. C'était votre météo du Centre-Val de Loire. Nous sommes le mercredi 9 août et il est 19h. Tout de suite, votre journal de 19h sur France Bleu. Ils étaient venus pour passer quelques jours de vacances. 11 personnes ont péri dans l'incendie d'un gîte ce matin à Winsenheim, près de Colmar, en Alsace. Deux groupes d'adultes en situation de handicap mental et leurs accompagnateurs se sont retrouvés piégés par les flammes. 17 personnes ont réussi à sortir du bâtiment avant l'arrivée des pompiers. Ils n'ont rien pu faire pour sauver les 11 victimes. Le bâtiment est en grande partie détruit, Jules Brélaz. C'est une ancienne grange transformée en gîte, une maison à colombage typique de l'Alsace dont il ne reste que des poutres calcinées qui fument encore ce soir. Floriane habite juste en face, elle ouvrait ses fenêtres ce matin à son réveil. J'ai vu des hautes flammes qui dépassaient de la toiture. C'est terrifiant parce que ça s'est passé tellement vite. Imaginez que des gens ont péri en si peu de temps que rien n'a pu être fait. C'est terrible quoi, on n'est pas grand chose. Un drame effroyable qui nous touche au cœur de l'été. Les mots d'Elisabeth Borne sur place, les victimes sont des adultes handicapés mentaux qui venaient passer leurs vacances ici. Parmi les nombreuses interrogations, la capacité maximale du gîte a-t-elle été respectée ? Daniel Leroy est le premier adjoint à la mairie de Winsenheim. Alors la propriétaire a fait un contrat de location pour 16. Et c'est ce qu'elle a dit quand elle était encore en état de parler ce matin. Ce bâtiment est a priori prévu pour recevoir 16 personnes maximum. Mais il est certain qu'on avait 27 ou 28. Rien qu'en regardant les véhicules qui avaient amené les personnes handicapées, on se rendait bien compte qu'il y avait plus que 16. Quoi. Une enquête qui ne fait que commencer. Dans le même temps, une cérémonie œcuménique en hommage aux victimes a lieu ce soir à 19h en l'église Saint-Laurent de Colmar. Et cette cérémonie vient de commencer à quelques kilomètres des lieux de l'incendie à Winsenheim. Le feu a probablement couvé avant d'embraser le gîte. D'après la vice-procureure de Colmar, les enquêteurs remontent le fil pour trouver ce qui a causé cet incendie. Les corps retrouvés par les sauveteurs vont être passés au scanner et des analyses ADN menées pour déterminer l'identité des victimes. Au sein de l'association d'information et d'entraide Mosellane, c'est l'inquiétude. 5 de ses membres logés dans ce gîte à Winsenheim. Et pour l'instant, un seul a donné signe de vie depuis l'incendie. Pierre Schneider est membre de cette association. Il y a des personnes qui sont portées disparues et on attend les éléments nominatifs pour pouvoir avoir plus d'informations et de certitudes. La seule information dont je dispose à cette heure-ci, c'est qu'une des cinq personnes handicapées que la UIM accompagne a été retrouvée saine et sauve et sa sœur est en route pour aller la chercher. Oh, j'ai appris ça en début d'après-midi par les services de l'État qui sont sur place, qui nous ont demandé de pouvoir venir la chercher puisqu'elle était dans la salle communale du village. Propos recueillis par France Bleu Sud-Lorraine. Retrouvez un article complet et les dernières informations sur cet incendie sur francebleu.fr. En Méditerranée, 41 migrants, dont 3 enfants, ont disparu au large de l'île italienne de Lampedusa après le naufrage de leur embarcation. Seules 4 personnes ont pu être secourues par un navire marchand. Depuis le début de l'année, plus de 1800 exilés ont péri en mer Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe. Et puis, une dernière chance de repartir, Je vais parler de rugby à présent. Il a fait 35 degrés cet après-midi à Cap-Breton dans les Landes. Pas de quoi effrayer les près de 3000 supporters du 15 de France qui se sont entassés dans les tribunes pour assister à l'entraînement des Bleus. Et encore, ils auraient pu être plus nombreux. La Fédération française de rugby a mis en place une billetterie gratuite pour éviter les meutes. Et toutes les places sont parties en moins de 5 minutes. Les plus rapides en ont bien profité cet après-midi. Écoutez. Allez les Bleus! Qu'est-ce qui vous impressionne le plus? Les gabarits, là. Premier coup d'œil, c'est les gabarits. C'est la vitesse qui nous impressionne le plus. On va faire une photo avec Dupont, hein, c'est carré. Après, c'est vrai que là, sur les premiers temps de jeu, il n'y a pas un ballon par terre. C'est autre chose que nous, par exemple, les petits clubs. Mais bon, c'est super pour les enfants là, de pouvoir venir aller voir de si près. Oh, Dupont, tu le vois au plan, là. C'est une sacrée chance, non? Un petit mois de la Coupe du Monde, de pouvoir venir à l'entraînement. Oui, c'est une sacrée chance, surtout que c'est à côté, quoi. On a 2 heures de route, donc oui, c'est une grande chance. Oui. Allez les Bleus! L'engouement des fans du 15 de France au micro de France Bleu Gascogne. À samedi, les Bleus affrontent l'Écosse à Saint-Étienne, deuxième match de préparation. Une dernière chance de repartir avec une médaille d'or du Vélodrome de Glasgow pour les Français, ultime soirée des mondiaux sur piste. Après les échecs hier de Mathilde Gros sur le sprint et du duo Thomas Bouda-Benjamin Thomas sur l'américaine, il reste 2 chances de médaille aux Bleus ce soir. Belle performance pour les vététistes cet après-midi. L'équipe de France de relais mixte décroche l'argent. Il termine à seulement 7 secondes des Suisses favoris. Sugar man, won't you hurry? Le chanteur Sixto Rodriguez s'est éteint à l'âge de 81 ans. Son histoire exceptionnelle, objet d'un documentaire Sugarman, primé aux Oscars, quasi inconnu dans son pays, les États-Unis. Il ne savait pas qu'il était devenu une star chez les jeunes sud-africains durant l'apartheid dans les années 70. Il a fallu attendre la fin du régime raciste pour que l'information sorte du pays et traverse l'Atlantique. Le temps se dégrade demain matin avec quelques averses orageuses attendues sur le centre Val-de-Loire et la Mayenne. Le ciel va se voiler dans le sud-ouest du pays et les nuages vont s'imposer sur tout le long de la côte atlantique. Des éclaircies sur le massif central. En revanche, tout l'est de la France va encore être sous un grand soleil. Les températures demain matin vont être élevées. 17 degrés à Strasbourg, 20 degrés à Rennes, à Tours et à Limoges, 22 à Bordeaux et à Nice, 23 pour Marseille et les maximales 25 à Perpignan. Décibel sur France Bleu. 1, 2, 3, 4. Johan Rock. Bonsoir à tous, ravi de passer ce début de soirée en votre compagnie. Comme chaque jour de l'été, après le journal de 19h, on se retrouve ici dans Décibel, un magazine qui a pour vocation d'aiguiser la curiosité de vos oreilles jusqu'à 20h. Ici, on parle musique, festival, théâtre, série télé. Et ce soir, je vous propose de faire coup double, parler à la fois peinture et cinéma. À l'occasion de la sortie de Un coup de maître, c'est le titre de la comédie à découvrir à partir d'aujourd'hui en salle avec Bully Lanners et Vincent McCain. D'ici quelques minutes, notre invité sera Rémi Besançon, son réalisateur ce soir. On déroge pas aux bonnes habitudes. Vers moins le quart, il y aura du blind test dans l'air pour jouer. Vous êtes d'ores et déjà attendu au standard au 0810 055 056. Ce mercredi, ce sera un blind test spécial soleil puisque paraît-il, il est de retour sur une grande partie du pays. Et puis vous le savez, j'aime vous entendre me raconter vos meilleurs souvenirs de festival ou de concert. L'un d'entre vous, d'ici quelques minutes, passera sur l'antenne pour se faire, vous m'envoyez un petit message sur mon compte Instagram à Instaroc, R-O-Q-U-E-S, tout attaché pour l'heure. On prend la route des festivals. Et sur la route des festivals ce mercredi. Je vous emmène dans l'Indre, à Châteauroux, pour le festival DARC. DARC, c'est l'acronyme pour danse, art, rythme et culture. Au départ, ce festival, c'est un rendez-vous autour de la danse. Toutes les danses, depuis 48 ans maintenant, est organisé à Châteauroux. Un immense stage ouvert aux danseurs en herbe qui viennent du monde entier pour étudier la discipline de leur choix. La salsa, le hip-hop, la comédie musicale, le flamenco, 33 professeurs, tous des pointures dans leur domaine qui attendent ces futurs élèves pour les faire transpirer du matin au soir sur les parquets des différents gymnases de la ville. En somme, chaque été à Châteauroux, c'est FAME version région centre Val-de-Loire. Mais à Châteauroux, on ne fait pas que danser, non, on chante également, et à partir de ce soir et pendant 10 jours, nombre d'artistes vont se succéder sur la scène de ce festival, à commencer ce mercredi par Kenji Girac. Qui ouvrira les festivités ce soir. Demain, jeudi, ce seront les Franglaises, un spectacle musical devenu culte qui s'amuse à traduire les grands succès de la pop anglaise dans la langue de Molière. On poursuit cette programmation du festival vendredi soir avec sans doute un des moments très attendus cette année, la venue de Maxime Le Forestier. Je fais que passer ma route. Samedi, Yanis Odua, si vous ne le connaissez pas, c'est un artiste reggae, dancehall. Il vient tout spécialement de la Martinique pour faire escale à Châteauroux. Dimanche, les petits-fils de Janine. Et puis, mardi soir, Stella Sou sera à Châteauroux. Qui se produira comme tous les autres artistes programmés sous le grand chapiteau de la place Voltaire. Enfin, mercredi prochain, ce sont les Écossais de Franz Ferdinand qui seront de la partie. Sa 48e édition, le festival DARC ne change rien à ses principes. Des têtes d'affiche comme je viens de vous les énumérer. Puis chaque soir, un concert gratuit donné aux alentours de 18h30 avec des groupes exclusivement locaux. Demain soir, ce sera Une Touche d'Optimisme, c'est le nom de la formation. Ils ont plus de 1000 concerts au compteur. Ils ont fait les premières parties de Trio, des Vampas, de Sensimilia. Vendredi, ce sera JL, ça c'est un groupe de Châteauroux. Samedi, les Nantais de Stabar. Ou lundi, Radio Byzance, formation aux influences reggae. Dub, et comme je vous le disais, c'est un festival qui au début a pour essence la danse. Le 19 août prochain, pour fermer les festivités, eh bien, il y aura un grand spectacle de danse qui sera organisé. On va passer de la danse et de la chanson à la peinture et au cinéma à l'occasion de la sortie de Un coup de maître. Notre invité, son réalisateur, sera des nôtres, le temps d'écouter 3 nuits par semaine, Indochine, maintenant sur France Bleu. Mais 3 nuits par semaine, c'est sa peau contre ma peau et je suis avec elle. Et 3 nuits par semaine, mais bon Dieu qu'elle est belle. mercredi, vous êtes bien sur France Bleu. Ce soir, Décibel l'été vous emmène au cinéma à l'occasion de la sortie d'Un coup de maître, une comédie qui sort aujourd'hui avec nous, ce mercredi, son réalisateur Rémi Besançon. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Bonsoir Rémi Besançon. Bonsoir. Soyez le bienvenu, c'est votre septième film, ce coup de maître. En fait, c'est une comédie sur le thème du monde de l'art qui met en scène deux personnages. Alors d'un côté, il y a un peintre qui n'a plus le succès qu'il avait jadis. Et puis un galeriste, son ami, qui malgré tout continue de croire en lui, puis croire en son talent. C'est quoi le point de départ de l'intrigue de ce film ? En fait, je pense que le film se passe dans le milieu de l'art contemporain, mais c'est surtout une histoire d'amitié, quoi. C'est l'histoire d'un homme qui va sauver son meilleur ami. Et voilà, je l'ai un peu traité comme une histoire d'amour, en fait, cette histoire d'amitié. Et je trouvais ça intéressant, en fait, d'avoir les codes de la comédie romantique. Alors, Bully Lanners, c'est lui qui interprète le peintre, et puis Vincent McCain et le galeriste. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce qui sort aujourd'hui, Un coup de maître. Regardez, cette Renzo Nervi. Cette pièce est l'œuvre d'un grand peintre, connu pour sa vie faite de haut et surtout beaucoup de bas. Venez avec moi, je vais vous présenter le meilleur ami que j'ai jamais eu. J'ai reçu ça là, pour toi, là, c'était dans ma boîte aux lettres. Renzo, qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe ? Laisse-moi tranquille. Sors de ma chambre ! C'est pas ta chambre ! C'est mon salon ! C'est mon appartement ! C'est chez moi ! Alors dégage ton salon ! C'est un médicament, Renzo ? Non, c'est pas un médicament, ça soigne pas, ça tue. Et il paraît que c'est même foudroyant. Alors le personnage principal de cette comédie, c'est le duo hein, formé par McCain et Lanners. Comment vous les avez choisis ces deux-là, Rémi Besançon ? En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec Vincent McCain, que j'aime beaucoup. Je lui ai proposé un rôle dans un précédent film, Nos Futurs, et il n'avait pas pu le faire en fait. Mais du coup là, j'ai persisté et je lui ai proposé le rôle du. Alors c'est bizarre parce qu'au début, je lui ai proposé le rôle du peintre à Vincent et donc on s'est je lui ai envoyé le scénario en lui disant de le lire pour ce rôle et on s'est vu, il m'a rappelé le lendemain et on s'est vu deux jours plus tard et il m'a dit j'adore le projet et tout mais je préfère jouer le galeriste. Donc c'était open bar en peintre, fait. Vous êtes le metteur en scène, vous proposez et puis c'est les acteurs qui choisissent. Bizarre, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette affaire enfin voyons. En fait, c'est assez curieux. Donc moi au début, j'ai dit non mais c'était pas du tout mon idée et finalement, il m'a convaincu et en plus on a parlé de Bouli, il avait envie de travailler avec Bouli, moi aussi, et du coup c'était plus cohérent de voir Bouli Lanners en peintre, surtout que Bouli il a fait l'école des Beaux-Arts de Liège, donc il peint lui-même, il vient de faire une exposition à Bruxelles, et voilà, mais c'est marrant, c'est vrai que c'est pas du tout, non c'est le cinéma c'est pas open bar, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas un scénario qui choisit le En voyant cette comédie, je pensais au duo formé par Gérard Depardieu, Pierre Richard, notamment dans La Chèvre, Thierry Lhermitte, Jacques Villeray. Comment vous le qualifieriez ce duo dans votre comédie à vous ? Ouais, c'est très, c'est vrai que moi mon influence, je suis très fan de Francis Weber qui a fait La Chèvre, Les Compères, Le Dîner de con que vous venez de citer et vraiment il est, enfin voilà c'est le buddy movie quoi que à la française mais du coup souvent il y a le l'Auguste et le clown blanc mais voilà c'est des personnages qu'on aime quoi enfin c'est on les aime parce qu'ils sont entiers parce que Depardieu et Pierre Richard dans La Chèvre, ouais, voilà, ils se détestent au début, mais ils s'aiment à la fin. Quoi. Il y a une comédie, en fait, vous. Ce film, c'est vraiment. Il y a une comédie que vous avez regardée un nombre de fois incalculable. Ah ouais, j'avoue que La Chèvre, je l'ai beaucoup regardée et Le Dîner de con aussi que j'adore. Mais La Chèvre, en fait, c'est un film que j'ai vu. Je suis pas allé souvent au cinéma avec mon père, hélas, et c'est un film que j'ai vu avec mon père et du coup, il a encore plus de, enfin. D'importance pour moi. Un coup de maître, ça sort aujourd'hui au cinéma. Rémi Besançon, son réalisateur, est des nôtres. On va continuer de parler et poursuivre cet échange. Le temps d'écouter Clara Luciani qui vient se poser comme ça dans vos oreilles ce mercredi dans Décibel l'été, évidemment, sur France Bleu. Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. sur ton piano une mélodie expire dans un écho, le tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et la grande beauté perdue sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Mercredi sur France Bleu, on parle d'une comédie sur la peinture, l'art, la postérité et même l'amitié. Ça s'appelle Un coup de maître. Au casting, on retrouve Vincent McCain et Bouli Lanner ce soir. Notre invité est le réalisateur Rémi Besançon. Décibel, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. Rémi, je le disais, c'est votre 7e film. Est-ce que pour autant, un jour comme celui-ci, après avoir travaillé des mois, des années sur un film, on est dans ses petits souliers un jour comme aujourd'hui? Non, en fait, jamais, je pense. On n'est jamais dans ces petits souliers quand on fait ce métier, bizarrement. Vous n'êtes pas fébrile. C'est un métier... On est fébrile. Ah, oui, pardon, dans les petits souliers, oui, pas... Non, excusez-moi. Mais oui, on est fébrile. C'est même... Enfin, je pense que tous les réalisateurs, le jour de la sortie de leur film, ils sont... On sait jamais comment ça va se passer, quoi. C'est, puis tout... voilà, il suffit qu'il fasse super beau après trois semaines de mauvais temps pour que ce soit compliqué, quoi. Mais là, les gens ont envie de... Aujourd'hui, tout va plus vite. Est-ce que vous scrutez, vous le réalisateur, les chiffres dès les premières heures d'exploitation d'un film en salle? Vous essayez de garder un peu votre distance quant à tout ça? Non, moi j'aime bien garder les chiffres en fait. Je trouve ça intéressant parce que c'est aussi c'est mon métier en fait. Donc après aujourd'hui c'est vrai que tout va très vite. On regarde on a un indicateur au Cité Ciné-Léa à 9h du matin à Paris. Ouais. Et puis après voilà, il y a le 14h Paris périph, il y a le et à la fin de journée on a le nombre d'entrées qu'on a fait dans la journée Et c'est ce qui est horrible, c'est que il y a une sorte de, enfin les chiffres ils sont là quoi. On se dit toujours quand ça marche pas, bon ça marchera peut-être le week-end prochain ou la semaine prochaine, mais en fait bah non, après c'est fini quoi. Quand on réalise Rémi, quand on réalise un film, est-ce qu'on a toujours peur que ce soit le dernier, parce que justement on ne sait pas ce qui va se passer ensuite? Alors, je pense que sur les premiers films, oui, le premier et le deuxième film. Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance. Déjà, j'ai fait des films qui ont marché, et surtout, j'ai fait mon deuxième film. Qui s'appelle Le premier jour du reste de ta vie, qui est devenu une sorte de film culte, voilà, qui est rediffusé tous les ans à la télé, qui avait très très bien marché, et qui était pas du tout attendu. On était sorti un été aussi. C'était le 23 juillet 2008, et on avait fait 1,2 million d'entrées, alors que le film c'était un tout petit film. On appelle ça des sleepers. Des films qui dorment, que personne n'attend, qui sont endormis, des sleepers. Voilà. Mais je pense quand même que bah, si on enchaîne par exemple les échecs, à un moment donné, bah, c'est fini quoi. Bon, on n'en est pas là, Rémi. Non. Vous rappelez-vous de la première fois que vous avez senti cette envie de faire du cinéma? Vous aviez quel âge d'ailleurs? Alors moi j'avais, je pense que c'était, je venais de rentrer au collège, je pense, où je me suis dit que voilà, j'aimais beaucoup, j'avais deux grands frères qui me faisaient découvrir le cinéma américain des années 70, et je me racontais moi des histoires, et j'ai filmé, mon grand père avait acheté une caméra à l'époque, les premières caméras vidéo, et je faisais des films filmés montés. C'est-à-dire que le film est monté, parce qu'on n'avait pas tous les outils d'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on peut faire des films, on peut monter son film sur son téléphone. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Et moi, à l'époque, voilà, c'était le film est monté, c'est on tourne la prise, et la prise suivante, bah, c'est la suite de la cassette, quoi. Donc, mais en même temps, ça apprend des choses. Et puis moi j'ai fait mes trois premiers films en pellicule, parce qu'il n'y avait pas de numérique à l'époque. Et c'est pareil, ça apprend, on travaille différemment, je pense, quand on tourne en pellicule. Comme la pellicule est très chère, et encore, parce qu'il y a encore pas mal de gens qui tournent en pellicule, mais on fait peut-être plus attention sur la manière de réaliser. Dans un instant, on va continuer à Louis Besançon de parler de ce film. C'est votre bébé, hein, comme on dit. Nouvelle comédie qui sort sur les écrans depuis ce matin. Un coup de maître. On continue. Le temps d'écouter un garçon qui vient des Minimes, quartier de Toulouse, et qui un jour a décidé de prendre l'avion, aller au-dessus de l'Atlantique et visiter New York, ce soir sur France Bleu. C'est l'enfant de l'âme, c'est le phalacoque. façon jambon d'or. Toujours un plaisir de vous savoir de l'autre côté. C'est France Bleu, décibels d'été, ce mercredi. Dans un instant, on poursuit avec notre invité juste après ça. Décibels, chaque soir dès 19h, seulement sur France Bleu. France Bleu craque pour la musique en live. Ce samedi, France Bleu vous offre un France Bleu live à la montagne. C'est la mer. Jérémy Frérot, enregistré au France Bleu Live Festival des Angles, station de ski des Pyrénées-Orientales. Jérémy Frérot, en live sur France Bleu, ouais, vous êtes chaud, hein. Ce samedi dès 19h. France Bleu, 100% d'émotion. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Toute l'actu musicale est sur France Bleu, dans Décibels. Johan Rock. Et vous le savez, si vous êtes des habitués de cette émission Décibels l'été, j'aime vous entendre, notamment me raconter vos histoires, vos meilleurs souvenirs de festivals ou de concerts. D'ici quelques minutes, je vais entendre et écouter l'un d'entre vous. 0810 055 056. Pour l'heure, notre invité ce soir s'appelle Rémi Besançon. Il est réalisateur et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier pour lui, car sort sa nouvelle comédie, Un coup de maître, à l'affiche duquel vous retrouvez Bully Lanners et Vincent McCain. Ce film, vous en parliez, Rémi, au-delà du monde de l'art, ça parle de l'amitié. L'amitié, pour vous, c'est un sujet récurrent dans vos films. Qu'est-ce qui vous rend ce thème aussi précieux ? Bah, c'est l'amitié. C'est enfin, pour moi, c'est important. C'est un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, mais qu'on aime quand même. Comme dit, je sais plus qui. Enfin, je sais pas. Vous, par exemple. Hein ? Il faut s'imputer une citation qu'on n'en arrive plus à trouver l'auteur. oui, je sais pas du tout qui a dit ça. Mais voilà, en fait, par rapport même aux histoires d'amour, les